Quelques jours après, les bohémiens donnent une pantomime dans le village. À la fin de la séance, le jeune homme enlève son bandeau. Mone reconnaît France de Galais, le fiancé du domaine inconnu. Le lendemain, les bohémiens ont disparu. En vain, nous essayons de retrouver le chemin du domaine. Mone décide alors d'aller finir l'année scolaire à Paris.